passe au-dessus des toits. Quand je t'appelle, personne ne vient. C'est normal, je me suis fait la belle. Je veux qu'on m'oublie, je veux qu'on m'oublie. S'en va, je n'aime plus, je ne t'aime plus, je t'oublie, mon Dieu, je t'oublie. Je ne veux plus jamais revenir dans tes bras. On se rend malheureux, c'est comme ça. Il nous reste les souvenirs, c'est déjà ça. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai jamais pensé qu'à toi. J'ai fait des efforts, tu n'as rien vu. Quoi que je fasse, tu es déçu. Désormais tes mots, je ne les crois. Y a-t-il un jour où tu m'as cru? Tu n'as jamais pensé tu qu'à toi. Tu dis n'importe toi. Quoi. C'est vrai que tu m'as déçu à tant de fois. Dis-moi que je t'ai définitivement perdu.